writer. J'fume un spliff comme à 20 ans. Un instant, allez va-t'en. Tu restes là pour l'instant. Besoin d'espace, te prends pas. À ta place, je suis toi. Je la fume, à ta place. Hello please, c'est la classe. What's your name? J'aime la classe. Tu suis pas, ouvre la caisse. On encaisse, on enquête. Sont-ils fiables? Je me méfie, j'ai fumé. Vérifie, tu me rassures? Je peux me rasseoir, je t'ai déjà dit. Pas de hasard, sors le fil. Tu rassoir, tu y étais. Nous y étions, je t'ai déjà dit. Pas de hasard, sur le fil du rasoir. Tu y étais, nous y étions. Allez tiens, ça c'est pour toi. You're listening to Cartel Records. Cartel Records.